qu'elle va être. Blonde, brune, rousse ou châtain? Voyons. Elle va être blonde. Dommage, parce que moi, je préfère la brune. Tant pis pour vous. Mireille est blonde et va rester blonde. Maintenant, est-ce qu'elle va avoir les cheveux longs ou courts? Qu'est-ce que vous préférez? Long. Très bien. Je suis d'accord. Elle va avoir les cheveux blonds et longs. Et maintenant, est-ce qu'elle va être blonde, brune, rousse ou châtain? Est-ce qu'elle va être blonde, blonde, brune, brune, rousse, rousse, ou châtain, châtain, châtain? Est-ce qu'elle va être blonde, brune, rousse ou châtain? Est-ce qu'elle va être blonde, brune, rousse ou châtain? Elle va être blonde. Elle va être blonde. Est-ce qu'elle est blonde ou brune? Blonde. Dommage. Parce que moi, je préfère les brunes. Je préfère les brunes. Ah, tant pis pour vous. Tant pis pour vous. Tant pis. Tant pis. Tant pis. Tant pis pour vous. Tant pis pour vous. Elle va avoir les cheveux blonds et longs. Blonds et longs. Les cheveux blonds et longs. Elle va avoir les cheveux blonds et longs. Elle va avoir les cheveux blonds et longs. Est-ce qu'elle a les cheveux longs ou courts? Non, elle a les cheveux longs. Et les yeux? Est-ce qu'elle va avoir les yeux noirs, les yeux marrons, les yeux gris ou verts, ou bien les yeux bleus? Les yeux bleus. Bon, c'est d'accord. Elle va avoir les yeux bleus, les deux. Elle va avoir les deux yeux bleus. Voilà le portrait physique de Mireille. Elle est plutôt petite, elle a l'air fragile, mais sa santé est excellente et elle est très sportive. Elle est mince, elle a le visage ovale, les cheveux blonds et les yeux bleus. Et les yeux, les yeux, les yeux. Est-ce qu'elle va avoir les yeux noirs, les yeux noirs? Est-ce qu'elle va avoir les yeux noirs? Est-ce qu'elle va avoir les yeux noirs? Est-ce qu'elle va avoir les yeux marrons? Marrons? Est-ce qu'elle va avoir les yeux gris? Gris? Ou est-ce qu'elle va avoir les yeux verts? Verts? Ou bien les yeux bleus? Ou bien les yeux bleus? Bleus? Les yeux bleus. Est-ce qu'elle a les yeux bleus ou noirs? Bleu. Elle a les yeux bleus. Mm-hmm.